Chapitre 3. Le bonheur. Avec une sorte de stupéfaction, j'ai retrouvé la rue de Vaugirard, mon cabinet de travail, la vie laborieuse et monotone. J'imaginais que Duncan reprendrait, avec les habitudes anciennes, ses modalités coutumières. Il n'en est rien. C'est précisément lorsque je le vois dans un cadre familier que je ne le reconnais plus. Je le confronte avec l'image de lui qui habite encore mon cabinet de travail, le sien ou le salon de Madame Obreska, et je cesse de comprendre. Nous continuons d'accomplir les mêmes actes, les déjeuners au restaurant, les rencontres hebdomadaires chez André, les retours silencieux dans les rues nocturnes, et j'éprouve la sensation bizarre que c'est un étranger qui passe son bras sous le mien. On dirait qu'il n'ose plus regarder André. Ses yeux mi-clos, qui emprisonnaient entre leurs cils la silhouette chérie, fuient aussitôt posés sur elle. Il lui parle en détournant la tête. Et cette attitude est si flagrante qu'André lui a dit l'autre soir, avec un rire un peu forcé qui dissimulait mal sa pensée inquiète, « Voyons, Clarence, pourquoi ne me regardez-vous pas ?» Elle n'obtint aucune réponse. Il ne parle plus de son travail ni de rien de ce qui le concerne. Que fait-il? À quoi consume-t-il ses journées? Mystère. Il m'apparaît avec du vide autour de lui comme un passant familier dont on ignore le nom. Si je risque une allusion à son ouvrage, L'origine des langues orientales, dont il me lisait naguère les pages à peine écrites, il hausse doucement les épaules et se tait. Et pourtant, certains jours, il a le visage d'un homme surmené. Sans doute étudie-t-il en secret les parchemins rapportés du Turkestan chinois. Son regard absorbé continue de déchiffrer des caractères sanscrits, tandis que je lui parle. Il ne feint même pas d'écouter mes propos, et j'imagine que ce nonchalant d'autrefois passe les nuits sur ses grimoires avec cette passion nouvelle que je lui ai connue là-bas. Il y gagne une sorte de fièvre taciturne qui rend ses mains brûlantes. Quelquefois, sans transition, il laisse paraître une gaieté qui me déconcerte. Il semble en proie à une jubilation intérieure dont il refuse de dire la cause. Il me regarde comme s'il cherchait à me mystifier. Et tout à coup, il éclate de rire et laisse échapper des paroles sans suite. « Votre science, votre méthode, splendid fun !» Son rire se prolonge si bien qu'il m'arrive de me fâcher. Mais il m'apaise d'un mot où je retrouve l'accent de notre amitié. « Old fellow, il ne faut pas m'en vouloir. Old fellow !» Il ne réintégra ses allures raisonnables que le jour où il vint me dire que Vladimir Obrevsky était soupçonné de louche connivence avec des agents bolchévistes. Une enquête le convaincrait d'espionnage. Le mari d'André risquait la condamnation à mort. Je me récriais, « Mais d'où tenez-vous ces informations ?» Clarence répliqua froidement, « Soyez convaincus qu'elles sont exactes. Allons voir André. » Elle nous reçut avec un sourire. Vladimir était auprès d'elle. Il annonça qu'il allait passer quelques jours à Varsovie pour des affaires urgentes. Il partait le lendemain par avion. Son beau visage semblait vieilli. Il avait le regard à la fois distrait et guetteur d'un homme traqué. Cependant, il se répandait en propos légers et brillants, selon son habitude. Je fus stupéfait d'entendre Duncan proposer « Voulez-vous que je vous conduise au Bourget ?» Il accepta avec empressement. « Je déteste partir seul, » dit-il en riant, « et ma femme a refusé de m'accompagner au champ d'aviation. »« Oh » murmura-t-elle, « les adieux, on doit les faire chez soi. J'ai horreur des gares, des coups de sifflet, du vent, de l'hélice. » Elle ajouta, « D'ailleurs, je suis tellement habituée à vos départs. » L'aime-t-elle encore? Le méprise-t-elle? Est-il pour elle un camarade auquel elle a pardonné? « Voulez-vous venir avec nous, Pierre ?» demanda Duncan. « J'acceptais. » Toujours je les reverrai sur ce champ d'aviation. Obrevsky avait passé familièrement son bras sous celui de Clarence. On eût dit les meilleurs amis. Ils étaient aussi grands l'un que l'autre, mais la silhouette du Slave était moins ferme. Ses épaules tombantes, son dos un peu voûté, faisaient valoir le torse bien équilibré de son ami. Duncan ressemblait à un athlète qui se rend au stade. Son calme s'opposait aux gestes indécis et fébriles de Vladimir. De quoi parlait-il donc avec cet air de confidence ? Je hâtai le pas et les rejoignis. « Vous allez voir, » disait Duncan, « on se sent plus en sûreté qu'en chemin de fer ou en auto, n'est-ce pas, Savigné ?» Il se tourna vers moi. Il était si pâle, la face crispée, les yeux lointains, en dépit du sourire fixé sur ses lèvres, que je faillis crier « Mais vous êtes malade ?» Nous étions tout près de l'appareil dans la grande ombre que projetaient les ailes. Le coupé était vide. Obrevski devait être le seul passager. L'hélice tournait déjà et nous recevions en plein visage ce souffle de tempête. Tout à coup, Obrevski murmura « C'est étrange, je n'ai plus envie de partir. » Il était livide, lui aussi. Je voyais ses épaules secouées d'un frisson. Il ajouta à voix basse « C'est comme si une main me tirait en arrière. « Écoutez donc, Clarence, je crois que je prendrai le train. Oui, je préfère. » Lord Clarence le regardait fixement. « Vous avez peur ? » persifla-t-il. Il y eut un silence. Leurs regards s'affrontaient. L'impérieuse volonté de Duncan luttait contre cette force obscure qui retenait Vladimir, incertain, en face de l'appareil trépidant. « Vous ne croyez donc pas au pressentiment ? » murmura Obrevski d'une voix humiliée. « Demandez au docteur Savigné ce qu'il en pense, » répliqua durement Clarence. J'examinai Vladimir Obrevski. Cet homme accoutumé à d'autres périls, ce casse-cou qui ne se souciait que de l'heure présente, manifestait une dépression nerveuse bien caractérisée, le masque terreux, les mains tremblantes. « Soyez donc raisonnable, » dit Duncan, ses yeux sombres posés sur les yeux verts du slave. La résistance de Vladimir faiblissait. Il fit un pas du côté de l'avion. Ses traits se détendaient, et tout d'un coup il se mit à rire. « Je plaisantais » prétendit-il. Et il nous étourdit de propos volubiles comme pour faire oublier l'instant de défaillance. Alors Duncan détourna son regard, et ce regard que j'interceptais me stupéfia. Je ne sais pourquoi ses yeux glacés me firent penser à une eau opaque et profonde, où l'on essaie en vain de discerner quelque chose. Quelque chose ? Des naufragés, peut-être, qui se débattaient tout à l'heure et sur lesquels l'eau ténébreuse s'est refermée sans un pli. Dès lors, mon attention fut occupée de Duncan seul. C'est à peine si je vis Obrevski prendre congé, s'installer dans le rouf, faire des signes d'adieu, tandis que l'avion décollait. Je ne voyais que ce blême visage de Clarence. Jamais je ne lui avais connu cette rigidité qui semblait s'opposer à une secrète angoisse. Je pensais, décidément, il n'est pas bien, il faut le suivre de près. L'avion n'était déjà plus qu'un grand oiseau noir, aux ailes immobiles, qui montait en ligne oblique, laissant tomber sur nous de seconde en seconde atténuer le ronflement de son moteur. « Venez, Duncan !» Il résista. « Pas encore !» Pas encore. Était-ce donc ceci qui l'attendait ? Cette flamme, tout à coup projetée dans l'azur, comme si l'avion eût allumé un phare en plein jour. Ces quelques secondes de détresse où il parut immobile, planant, livrant peut-être un combat suprême. Et puis il commença de piquer vers le sol, torche démesurée, bouquet de flammes lâché dans le vide, et qui grossissait vertigineusement. Il s'écrasa sur la plaine verte, et l'incendie parut jaillir des prés. Je percevais confusément des cris, des gens qui couraient, des autos lancés à travers le champ d'aviation. Duncan m'entraînait à sa voiture, il démarra et tourna sur la route de Paris. « Clarence, il faut aller là-bas, aller secourir. » « Inutile. Laissez-moi descendre, je suis médecin, je veux... »« Médecin !» Il eut un rire de pitié. « Vous ne voyez donc pas qu'il n'y a que des débris là-dessous ? Il faut aller prévenir André, ne pas risquer qu'elle apprenne l'accident par les cris de la rue ou le coup de téléphone d'une amie. » Je me tus. J'étais en proie à cette sorte de stupeur où vous jette l'apparition brutale de la mort alors qu'on se figure sentir sur sa propre chair le souffle du destin. Le vent qui me giflait me remit peu à peu. J'observais Clarence. Penché sur le volant, il scrutait la route où nous croisions les automobiles de la police et des pompiers alertés. Il y avait sur ce visage tendu un bizarre mélange d'exaltation et de douleur. Je surpris cette parole qu'à plusieurs reprises il laissa échapper comme à son insu. Cette fois, c'est la certitude. La certitude. Et j'avais le sentiment très net que ce n'était pas André qu'il pensait. André qui désormais pourrait lui appartenir. Non, la certitude de quelque chose de plus lointain, de plus secret, qui m'échappait. Quelle certitude! Nous étions tout près du quai de l'horloge lorsque je m'aventurais à parler d'André. Aura-t-elle du chagrin? Je n'osais prononcer le mot de délivrance. Elle est bonne, elle aura pitié de lui. Clarence répliqua, il a une belle mort qu'il ne méritait pas, et qui lui en épargne une autre, infamante. Et sa voix frémit tandis qu'il redisait « infamante ». Lui, le mari d'André, le père de sa petite-fille. Après un silence, il ajouta très bas « Cette fois, ne croyez-vous pas au pressentiment ?» J'ai murmuré « Il y a des coïncidences bien étranges. Nous arrivions, nous sommes entrés. » Un mois plus tard, Lord Clarence m'annonça ses fiançailles avec André Obrevska. Nous étions dans mon fumoir, il m'a dit « Embrassez-moi, old brother. » Nous sommes demeurés en silence pour ne pas affaiblir cette minute. Le crépuscule d'arrière-automne assombrissait la chambre, nous ne l'avions pas aperçu. Duncan jeta sa cigarette éteinte et m'appela doucement. « Pierre, il va sans dire, n'est-ce pas ? Mon foyer sera votre foyer. » Cela allait sans dire le bonheur de Duncan, le bonheur d'André. Néanmoins, ce fut un singulier hiver. En apparence, rien ne semblait changer. Chaque jour, à la fin de l'après-midi, Duncan allait voir sa fiancée. Le plus souvent, il passait rue de Vaugirard et me priait de l'accompagner. Les soirs où il dînait chez elle, j'étais toujours invité. On eût dit qu'il redoutait le tête-à-tête. Et lorsque j'alléguais, « Mais je dois vous gêner, Duncan, vous avez tant de choses à vous dire. » Il répondait, « Rien ne peut nous gêner. D'ailleurs, vous savez, les paroles... » André ne portait plus de masque, elle nous accueillait avec un sourire nouveau qui exprimait une joie intérieure si complète que les paroles étaient inutiles en effet. À la façon dont elle attachait ses yeux sur Clarence, je sentais qu'elle l'aimait depuis toujours. De semaine en semaine, elle paraissait plus jeune dans ses robes assombries, d'un noir désormais uni et sans reflet. Ses robes mates, on les aurait cru choisies exprès pour mettre en valeur ses cheveux couleur de cendre blonde, son teint pur, son visage qui refleurissait. Les choses autour d'elle participaient à cette résurrection. Dans ce salon plus intime, avec ses tentures changées, la profusion de coussins, les bouquets répandus partout, on respirait je ne sais quelle volupté délicate. Cette passionnée silencieuse s'entourait de son amour qui devenait visible comme une lumière remplissant la maison. Lord Clarence s'asseyait à côté d'elle. Il ne parlait guère, il ne faisait aucun projet. La minute présente leur suffisait à tel point qu'ils ne songeaient pas à organiser leur avenir. Ils m'avaient chargé de leur trouver un appartement. Ce n'était guère une tâche facile, mais je ne leur ai pas laissé voir combien toutes ces démarches me contrariaient. Enfin, je réussis à découvrir un petit hôtel, rue Vineuse, et je les y conduisis sur l'heure. Ils se promenaient de chambre en rêvant. Ils souriaient sans rien dire. Ce jour-là, ils m'apparurent tellement indifférents au cadre de leur bonheur, à tel point détachés des contingences, perdus tout entiers dans leur communion merveilleuse, qu'ils me semblaient vivre en dehors du temps, déjà dans l'éternité. Ce fut elle qui me remercia gentiment. « Vous avez si bien réussi, Pierre. Voulez-vous aussi vous occuper des meubles ?» Ils n'exprimèrent aucune volonté, excepté celle-ci, ne rien garder de l'appartement où vivait le souvenir du mort, hormis le beau Pleyel dont la voix fut si longtemps la seule expression de leur amour. Cependant, cette atmosphère de sérénité parfaite ne dura pas, et de nouveau je cessai de comprendre. Il fut aisé de deviner que Duncan s'était replongé dans son mystérieux travail d'où il revenait si pâle, la face creusée, les yeux lointains. Il passait par des périodes d'anxiété fiévreuse, que traversaient parfois des accès d'une allégresse folle qui n'était pas celle de son amour. Il ressemblait à un collégien qui vient de réussir un examen difficile. Il avait une expression de triomphe ingénu et réprimait l'envie de se moquer du monde. Et puis, je lui revoyais ce regard atone qui m'inquiétait. Je mettais ces sautes d'humeur au compte du surmenage. Cependant, je me surprenais à l'examiner en médecin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à noter les paroles bizarres qui lui échappaient. Il y eut, par exemple, notre visite à la somnambule. Je savais qu'il allait consulter les soi-disant voyantes. Un jour, je voulus l'accompagner dans l'espoir de le convaincre de son aberration. Il fallut subir une longue attente dans un jardinet de Montrouge, où des dames élégantes et des ouvrières, parquées au fond de pavillons voilés d'un lierre épais, guettaient leur tour, secouées d'un frisson pareil. En passant, Duncan leur jeta un singulier coup d'œil où se mêlait une sympathie fraternelle et de la pitié. « Elles aussi, murmura-t-il, elles voudraient détourner le malheur en le connaissant. » J'ai répliqué, « Le malheur est inconnaissable. » Il s'est tourné vers moi en éclatant de rire. J'étais irrité lorsque, enfin, nous pénétrâmes dans la chambre obscure où le médium, une femme sans âge, à la figure usée, se tenait dans un fauteuil, les yeux fermés, le corps ployé en avant. Ses doigts froids agrippèrent ma main et elle se mit à parler d'une voix monotone. « Vous êtes aux prises avec des difficultés qui vous préoccupent. Quelque chose comme un problème que vous tournez et retournez et vous ne trouvez pas la solution. » La face immobile parut se durcir. Les phrases sans inflexion continuèrent de couler. « Vous avez des êtres chers, bien loin d'ici, près des grandes montagnes. Je vois une figure d'enfant un peu palote et près de lui un visage aux cheveux tout blancs. » Elle se tut de nouveau. Je saisis le bref tressaillement de ses paupières. Puis elle prononça « Il y aura de grands changements dans votre vie. Vous allez naître à la passion, une passion qui fera de vous un forcené. Je vois du sang sur vos mains. » On a beau dédaigner de telles sornettes et lever les épaules de toutes ses forces, il y a des paroles qui sont bien désagréables à entendre. Elle avait pris la main de Duncan. « Vous, monsieur, vous !» Et brusquement ses lèvres se fermèrent, elle ne prononça pas un mot de plus. La séance était finie, nous sommes sortis. Nous avons traversé le jardin que des visiteuses ne cessaient d'envahir et regagné la rue. « Pourquoi ne vous a-t-elle rien dit, Duncan? Avait-elle à vous annoncer des choses trop terribles? N'a-t-elle pas osé ?» Il secouait la tête, il parla d'une voix lointaine, on eût dit qu'il rêvait. « Comment de pauvres femmes sans instruction reçoivent-elles ces lueurs? Des images indécises qu'elles ne savent ni ordonner, ni interpréter, qu'elles livrent telles qu'elles les ont perçues, et parce qu'elles sont pauvres, elles en font de l'argent. » Et se tournant vers moi, soudain, il changea de ton. « Vous admettrez qu'elle a vu votre fils, Palo, et votre mère près des grandes montagnes. Peut-être me connaît-elle. Savigné. » Alors, je crus devoir parler sérieusement. « Duncan, lorsqu'il s'agit de ce que vous autres appelez la lecture de pensée, passe encore. Il y a là un genre d'intuition que la science constatera peut-être un jour et expliquera. Mais jamais je n'admettrai que l'on puisse toucher à l'avenir, jamais, ni celle-ci, ni personne. » L'avenir se crée chaque jour, en vertu de nos volontés, de nos faiblesses, de nos tempéraments, réagissant contre le hasard des circonstances, ou le subissant. Prédire l'avenir, c'est comme si vous vouliez fixer d'avance l'endroit où se posera cette feuille, jouer du vent. Duncan laissa tomber sur moi un réticent sourire. « Vous avez raison, old fellow, » dit-il doucement. Il ressemblait à un homme excédé qui donne à un enfant un sucre d'orge pour se débarrasser de ses questions. André s'aperçoit-elle des bizarreries de Clarence? Il me semble parfois que ses yeux se troublent en se posant sur lui, et je discerne une sourde anxiété dans son accent lorsqu'elle l'implore. « Duncan, je vous en prie, ne travaillez pas trop, ménagez votre santé, vous savez bien qu'elle m'appartient. » Le sourire tendre dissimule un reproche. Je la regarde et je pense, son amour seul peut arracher Duncan à ses chimères. Un soir que nous avions dîné, tous trois ensemble, je sentis entre eux plus d'abandon. Clarence avait suivi André dans la chambre où dormait la petite fille, puis André se mit au piano, joua tous les morceaux que réclamait son fiancé. Il y avait autour de nous je ne sais quelle douceur particulière. Était-ce la tendresse du printemps qui entrait par la fenêtre ouverte, ou l'odeur des violettes partout répandue, ou la sérénité d'un largot de Beethoven dont André laissait tomber les notes avec ferveur. Je vis Duncan qui se rapprochait lentement, qui se penchait sur la nuque ployée. Alors je m'esquivais sans bruit. Ces amoureux trop platoniques n'allaient-ils pas enfin se lasser de leurs délices toutes spirituelles ? Le lendemain, à la fin de l'après-midi, Clarence entra dans mon cabinet. « Bonjour, lui dis-je, sans remarquer sa figure tendue. « Vous venez me chercher, nous allons chez André. » Mais Duncan répondit, d'une voix tremblante, « Non, pas ce soir. Voulez-vous m'excuser auprès d'elle ?» Surpris, je le regardais, et je fus effrayé de l'altération de ses traits. Il y avait une sorte de terreur au fond de ses yeux fixes. Il ajouta en détournant la tête, « Que vous êtes heureux, vous, de la voir tout à l'heure. Venez donc avec moi. » « Non. » Déjà, il était sorti. Lorsque André me vit entrer, seule, et que je m'acquittais du message, elle parut stupéfaite. Puis, elle se laissa tomber dans un fauteuil et dit lentement à plusieurs reprises, comme si elle n'avait pas compris, « Il ne viendra pas, il ne viendra pas. » Une telle peine me parut déraisonnable. Je répliquai, « Il viendra demain, ce soir il travaille. » Elle m'a regardé. Des larmes perlèrent à ses cils. Elle murmura, « On dirait qu'il a peur. Peur ?» Je me suis récrié, j'ai voulu plaisanter pour mieux déguiser ma pensée qui allait au-devant de la sienne. « Peur de quoi ?»« De moi, » prononça-t-elle à voix basse, humblement. « N'avez-vous pas remarqué son regard qui semble me fuir ?» Déjà, elle se dominait, elle en avait une si longue habitude. « Une tasse de thé, Pierre ?» Puis, elle reprit un peu plus tard, avec son pauvre sourire forcé de naguère, « Il y a des jours où il n'est pas lui-même. Il y a quelque chose, et je ne puis imaginer ce qu'il y a. » Alors, j'ai cherché à la rassurer, j'ai parlé du travail de Clarence, des parchemins du Turkestan chinois. « Pierre, implora-t-elle, vous qui êtes médecin, surveillez-le, soignez-le, empêchez-le de se faire du mal. » Je le gronderai, oui, ce soir même, ne vous alarmez pas ainsi. » Un silence se prolongea, André me regardait, et puis ce fut plus fort qu'elle. Oubliant sa réserve, elle se mit à parler de son amour. Depuis sa solitaire adolescence, elle l'avait attendu. Son mariage fut une cruelle méprise. Comment peut-on se tromper à ce point? Chérir un être idéal dont on porte l'effigie au profond de soi-même, et s'imaginer la reconnaître. Prêter à un fiancé quelconque tous les traits du fantôme bien-aimé. Des illusions rendues plus amères par la confrontation quotidienne avec celui qui, désormais, viendrait trop tard. Lorsque vous l'avez amené, Pierre, je n'ai pas été surprise. J'ai éprouvé comme un choc intérieur. Avant même de l'avoir regardé, j'ai su que c'était lui. Vous, un grand médecin, vous ne croyez pas à ces avertissements de notre sensibilité ? Elle me jeta un coup d'œil souriante à demi. Il semblait qu'en parlant de Clarence, elle apaisa son anxiété. « Avez-vous remarqué avec quelle ardeur il aime toutes les menues choses de la vie, tous les petits êtres, les plantes, un oiseau, un chat, un mot d'enfant ? Ma Clairette l'adore, ils jouent ensemble, et leurs rires se mêlent aussi spontanés, aussi joyeux. Oui, auprès de lui, je me sens plus vivante. » La force de Duncan, son calme, son intuition qui va au-devant de la pensée des autres, sa voix au timbre divin, sa gaieté si fraîche, contrastant avec ses graves songeries. Elle aimait tout de lui, jusqu'à son mystère. Je sentis que j'avais en elle une alliée qui m'aiderait à le déchiffrer. « Il n'est pas comme les autres, » disait-elle. « Il les dépasse, il leur échappe. La plupart s'échappent pour trahir. Duncan, lui, s'échappe pour aimer davantage. Il va plus loin, plus haut. Il a besoin de solitude et de sommeil. Peut-être a-t-il peur que je ne le retienne. Non, ce n'est pas cela. Quand je le retrouve, après ses évasions, il me semble toujours qu'il me rapporte un bouquet de fleurs magnifiques. Pierre, ne croyez-vous pas qu'il a quelque chose comme une sorte de génie ? Je l'écoutais, souriant, remuant des impressions anciennes. Duncan, l'aurore de notre amitié, nos causeries du Luxembourg, le grand voyage, Avec quel accent André me tira de mes évocations. Pierre, comme je bénis la vie de me l'avoir rendue. Ému, je regardais sa peau nacrée, toute pâlie d'amour, et ses yeux humides que remplissait l'image de Clarence. Seulement, je ne veux pas qu'elle me le reprenne. Pierre, je vous en prie, veillez sur sa santé. Il n'est pas facile de gronder Clarence. Au premier mot, il m'arrêta. Parlez-moi d'elle. Quelle fleur avait-elle sur sa petite table, vous savez? Vous avez sur vous un peu de son parfum. Donnez-moi votre main qu'elle a serrée. Vous dites que je lui fais de la peine? Il n'y avait plus sur sa face détendue qu'une grande tristesse. Les incidents semblaient se charger de souligner les incartades de Clarence. Il y eut, par exemple, cette histoire de cinéma. Nous étions un soir dans son cabinet de travail, tout parfumé de roses, et je laissai mes yeux errer sur les témoins de notre intimité passée lorsqu'il proposa d'aller voir un film. « Vous assisterez à un spectacle extraordinaire, old fellow, splendid fun. » Il m'entraînait, j'ai demandé, Mossad, « Où est-il votre cinéma ? Donne-t-on quelque chose de particulier ce soir ? Place Clichy. J'ignore le programme, mais je vous affirme que c'est tout à fait bien. » Et dans l'auto qui nous emportait, il se mit à rire longuement, la tête renversée sur les coussins, tandis que je sentais grandir mon malaise. Ce rire sans joie, ce n'était pas son rire. Une salle où se pressait un public populaire, un programme quelconque, après les actualités, un roman qui n'avait ni queue ni tête, une confusion inextricable où je me débattais en écoutant le rire de Duncan à côté de moi. Je regrettais mon cabinet de travail, la page commençait. « Attendez, chuchotait Duncan, ceci n'est rien encore. » Pendant l'entracte, je le vis se lever tout à coup. Il se mit debout sur son fauteuil et là, dominant les spectateurs, il prononça à voix très haute « Mesdames et messieurs, Duncan, qu'allait-il faire ? Haranguer la foule ? Cela encore, c'était si peu lui. Je le tirais par le pan de son veston, il perdait la tête en vérité, mais il poursuivait avec un grand calme. Surtout, mesdames et messieurs, ne vous effrayez pas, il n'y a aucun danger pour le moment, mais il vaut mieux, croyez-moi, que vous quittiez la salle par petits groupes. » Le silence s'était établi subitement, tous les visages se tournaient vers nous, et quelques voix s'exclamaient « Un compère, un compère !» Clarence continua sans s'émouvoir « Écoutez-moi, d'ici une heure, cette salle n'existera plus. Mais je vous l'affirme, vous avez le temps de sortir sans vous hâter. Évitons une bousculade. » Une sorte de frémissement lui répondit, des plaisanteries, des rires, des questions ironiques se croisèrent, puis on vit apparaître sur la scène un régisseur furieux. « Mesdames et messieurs, restez à vos places. Cet individu est un mauvais plaisant que je prie de sortir tout de suite, ou je le fais expulser par la police. » « Certes, je sortirai, » répliqua Duncan avec flegme. « Je donne l'exemple, que les gens raisonnables me suivent. » Il m'entraîna. Quelques personnes discrètement se faufilaient dans les couloirs, d'autres aussitôt les imitèrent, et tous rejoignaient Clarence, le pressaient de questions. Que savait-il ? Quel danger ? Un journaliste voulait à tout prix l'interviewer. Du geste, Clarence écarta les importuns. Il hochait la tête, indiquant qu'il ne pouvait rien dire. Nous sommes demeurés là sur le trottoir où s'amassait une foule de plus en plus compacte. Qu'attendions-nous ? Je ne savais que penser. J'étais irrité contre Clarence et je n'osais pas le regarder. Était-ce une mauvaise plaisanterie, en effet, mais si peu digne de lui ? Quelques personnes, voyant qu'il ne se passait rien, rentrèrent dans la salle et le gérant vint jusque sur le seuil prononcer « Le spectacle continue !» Beaucoup le suivirent. Des minutes pesèrent. L'absurde aventure se prolongeait. J'allais voir Duncan arrêté, conduit au poste de police, où je devrais le suivre et affirmer qu'il était en possession de son bon sens. Tout à coup, une foule se rua dans le vestibule éclairé, roula jusqu'au dehors et continua sa course folle à travers la place et le long du boulevard. Je vis les haies de la porte intérieure s'effondrer sous une effroyable poussée, des cannes brandies, des gens qui se battaient et hurlaient. « Voilà ce que je voulais éviter, » dit Duncan. Puis une flamme immense qui jaillissait de la toiture. « Le feu ! Le feu !» Le flot humain ne cessait de surgir par l'ouverture étroite comme projetée de l'intérieur, et lorsqu'ils arrivaient sur le trottoir, les rescapés continuaient de courir au hasard, fendant la masse des spectateurs attroupés. Cette houle de tête, ce brouhaha, ces cris, ces femmes piétinées, et la police qui barrait la rue, et ces figures stupéfaites autour de Clarence, ces voix qui l'interrogeaient. Vous saviez donc, un voyant, un sorcier ? Je parvins enfin à le dégager, à l'entraîner jusqu'au boulevard, à le pousser dans un taxi, jetant mon adresse au chauffeur, anxieux d'en finir au plus vite, d'emporter mon ami, de le dérober aux questions, aux représailles peut-être. Lui se taisait comme accablé et rêvant. Au bout d'un long silence, il constata « Ils n'ont pas voulu croire ». Alors, saisissant cette parole, je laissai échapper la question qui brûlait mes lèvres. « Comment saviez-vous ? Dites, est-il possible que ce soit une simple coïncidence ?» Il se redressa tout à coup. « N'avez-vous pas remarqué quelle figure bizarre avaient les lampes électriques ce soir ? Elles bleuissaient par moments, elles clignotaient, elles avaient de brèves intermittences. C'est ainsi que se préparent les courts-circuits. » Cette voix si calme, cette explication plausible, je me sentais délivré d'une menace obscure qu'il était impossible de formuler. La célérité de mon éclat de rire m'étonna, je ne savais pas moi-même ce que j'avais redouté. Dans mon cabinet de travail, en pleine lumière, la singulière figure de Clarence m'inquiéta. Ce n'était pas seulement cette fièvre qui desséchait ses lèvres et précipitait le battement de son artère temporale. C'était cette contradiction si flagrante que je ne pus m'empêcher de songer au Janus à double visage, la contradiction des yeux triomphants et de la bouche déçue. « Ne vous avais-je pas promis une soirée extraordinaire, old fellow ?» Cette plaisanterie déplacée m'exaspéra. J'avais envie de le rudoyer, de lui crier comme à un insolent gamin « En voilà assez de ces manières, voulez-vous bien vous conduire comme il faut ?» Il ajouta, sans regarder de mon côté, « Oui, je sais bien, vous ne croyez pas au pressentiment. » C'est à ce moment que Françoise est entrée, portant sur un plateau du whisky et du thé. Duncan aime beaucoup Françoise. Il s'intéresse à son garçon, qui est mécanicien, et fait en ce moment son service militaire à Rouen. C'est sans surprise que je le vois se lever, lui prendre le plateau des mains, lui adresser vivement la parole. « Comment cela va-t-il, Françoise ? Bonne nouvelle de votre garçon ?» Il s'interrompt, les yeux dans le vide, immobile. Sa tête se penche sur sa poitrine. Il s'abîme dans une rêverie. Je me lève à mon tour et saisis le plateau. J'ai cru un instant qu'il avait un vertige. Il se recule un peu et s'adosse à la muraille. « Monsieur n'est pas bien ?» murmure Françoise, qui n'a jamais pu apprendre à lui donner son titre. « Un peu de whisky, Duncan, cela vous remettra. » Je lui tends le verre préparé. Il écarte ma main. « Françoise, dit-il tout à coup, d'une voix basse et profonde. « Il vous faut partir tout de suite, cette nuit même. Prenez le train pour Rouen. » Elle a sursauté. « Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?»« Il n'y a rien. Seulement, il vous faut aller trouver votre garçon tout de suite. Il a besoin de vous. Il vous réclame. »« Il est mort ?» s'écrie-t-elle, saisie. « Et c'est vous qu'on a chargé de me l'apprendre ?»« Non, non, il n'est pas mort. On ne m'a chargé de rien du tout. Mais si vous m'en croyez, Françoise, vous partirez. » Tout de suite, cette nuit. Monsieur, elle tourne vers moi, sa vieille figure perplexe. Elle ne sait plus que penser. Le sourire de Clarence la rassure un peu. Ne la retenez pas, Savigny. Je demeure sans parole, poursuivant un songe étrange où passent et repassent les paroles entendues tout à l'heure dans la foule. Un voyant, un sorcier. Monsieur, monsieur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Demande la vieille femme avec des larmes dans la voix. Alors, comme si quelqu'un d'autre en moi prenait la décision, j'ai dit « Partez, Françoise ». Et j'ai feuilleté l'indicateur de chemin de fer. Duncan est allé lui-même chercher un taxi, et nous l'avons vu descendre l'escalier avec son petit baluchon préparé à la hâte, qui tremblait au bout de son bras. « Bonsoir, old fellow, je vous quitte aussi, » dit Lord Clarence sur le palier. Je me suis ressaisi. « Duncan, dites-moi la vérité. Vous avez appris quelque chose ? Ou bien est-ce encore un pressentiment ? Il me donne sa cordiale poignée de main. Dans la demi-obscurité, je rencontre son regard. Il répond, un pressentiment. Il descend les étages et j'entends une fusée de rire. Un pressentiment, old fellow. Puis son pas qui résonne sur le trottoir et s'éteint dans la nuit. Deux jours plus tard, en rentrant, j'aperçus Françoise qui m'attendait. Je m'exclamai, « Eh bien, vous l'avez trouvé en bonne santé, votre garçon ?» Elle tenait ses yeux fixés sur le parquet. Elle dit enfin, tout d'une haleine, « Monsieur, je suis venu pour prendre mes effets et toucher mon argent, et je retourne là-bas. Mon petit est malade. » Quand je suis arrivé, le médecin croyait qu'il allait passer. Même il a grondé l'infirmier de ne pas m'avoir téléphoné. Le petit avait le délire. Il m'appelait. À présent, il va mieux. Alors j'entendis ma voix un peu étranglée qui disait « Je comprends très bien que vous désiriez rester là-bas jusqu'à ce qu'il soit guéri. » Les yeux détournés, elle marmotta « Monsieur, je ne reviendrai plus. »« Françoise, qu'est-ce que vous dites ? Me quitter après tant d'années ? N'étiez-vous pas heureuse ici ?» Je la pris aux épaules et la forçai à relever sa bonne figure où est inscrite toute une vie d'honnêteté laborieuse. Elle répétait avec obstination, « Je ne reviendrai pas chez vous, je ne peux pas. » Je la regardais toujours, craignant de comprendre. Alors elle m'a lancé en plein visage, « Parce qu'il se passe ici des choses de sorcellerie. » Et elle s'en alla sans tourner la tête, s'enferma dans sa cuisine. Elle est partie le même soir. Et quand elle m'a dit adieu, elle avait de grosses larmes qu'elle s'efforçait d'essuyer du revers de sa main rugueuse. Je suis allée chez Duncan. D'abord, je lui fis lire un entrefilet du Petit Parisien. Une enquête était ouverte sur les causes de l'incendie du cinéma. La police recherchait un individu de grande taille, très bien mis, qui semblait informé puisqu'il avait essayé de faire évacuer la salle une heure avant le sinistre. Clarence eut un éclat de rire qui me fit l'effet d'une gifle. « Ah, ils ne me trouveront pas, soyez tranquille, old fellow !» Alors je racontai l'histoire de Françoise. « Enfin, Duncan, voulez-vous m'expliquer ?» Il m'interrompit avec lassitude. « Oh, pourquoi vouloir toujours expliquer ?» Et puis, cette nuit, l'explication, très simple, s'est présentée. Clarence doit connaître un officier du régiment où sert le garçon de Françoise. Cet officier, désireux peut-être de jouer un tour au major, fit savoir à Duncan qu'un gars était malade et qu'on avait négligé de prévenir sa mère. Le hasard a voulu que ce gars fût le fils de ma servante. Oui, c'est l'évidence même. Duncan cherche à me mystifier. Son bonheur inattendu fait refleurir en lui une âme d'adolescent précocement atrophiée dans le triste château d'Écosse entre son père rigide et sa mère dévote. Il redevient le gamin qui s'amuse à déconcerter les grandes personnes. Il s'évade de son travail trop assidu avec l'envie de faire des farces. Oui, l'autre soir, son plaisir de haranguer la foule, son allégresse en présence de la colère du régisseur. Je me rappelle le temps où, caché dans les branches d'un sapin, je bombardais la route avec des pommes pourries. André, naturellement, ne peut comprendre. Elle s'alarme. Elle cherche des causes logiques à ses sautes d'humeur. Elle ne sait pas que chez tous les anglo-saxons, même les plus graves, il y a un grand enfant qui se cache et laisse échapper à la première occasion un éclat de rire plein de fraîcheur. Oui, ce goût de l'humour, c'est cela, c'est cela. Il lui fallait du bonheur pour épanouir son besoin de gaieté si longtemps refoulé. L'affaire du cinéma, l'histoire de Françoise, autant d'effets préparés de main de maître. La bonne plaisanterie, la jolie vengeance décochée à mon scepticisme qui refuse de souscrire aux pressentiments. Une profonde satisfaction est entrée en moi. L'appréhension obscure qui me travaille depuis des semaines est balayée. Il faudra que je rassure André, que je lui explique. Duncan est un cas type de refoulement précoce. Mais il lui arrive de dépasser la mesure. Au restaurant, il est souvent insupportable. Après un long silence pendant lequel il laisse son regard errer de table en table, il se met à rire tout à coup, un rire trop averti, trop chargé de secrets, qui résonne durement et se prolonge, appelant sur nous l'attention des dîneurs. Et tandis que j'essaie en vain de le faire taire, je repousse une inquiétude confuse. Ceci n'est pas un rire d'homme normal. Alors Duncan me dit, comme pour s'excuser, « Si vous saviez de quoi sont occupés dans leur fort intérieur tous ces gens en apparence bien élevés, corrects, humains, nous savons bien que le moi est haïssable, mais à ce point grotesque, quelle pauvre comédie, quelle farce insipide !» Chaque jour, je trouve un nouveau prétexte pour changer de restaurant.